Bonsoir, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition de la soirée, la dernière pour ce 3 mars 2019. D'abord, les titres. 4 personnes sont mortes et 4 autres sont blessées dans une fusillade le soir de ce samedi dans un bistrot situé dans la zone Gatumba. Nous sommes dans la commune Mutimbuzi. Le ministère de la Sécurité publique dénonce cet acte qu'il qualifie d'ignoble. Les détails, c'est dans cette édition. Les activités du Congrès national pour la liberté qui étaient prévues ce dimanche ont été interdites par les autorités municipales. Les raisons évoquées sont d'ordre sécuritaire, vous les entendrez. De son côté, le président de cette formation politique trouve non fondées ces raisons. Et 4 nouveaux-nés ont été trouvés abandonnés par leurs parents dans les arbrisseaux de la province Karoussi. Les parents dénoncent cet acte. Voilà pour les titres. Aimé Toussaint Mitebouti assure la mise en onde à la présentation. Moïse Misago, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécurité. 4 morts, dont un policier et 4 blessés. Tel est le bilan d'une fusillade le soir de ce samedi dans un début de boisson situé à Gaharawe, en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Certains parmi ceux qui y étanchaient leur soif font savoir que c'est un policier qui se chamaillait avec une fille. Ces citoyens demandent plutôt la protection et regrettent ce geste de la part de celui qui devrait assurer leur sécurité. Mireille Kanyange pour plus de détails. Ubwo bwicanyi bwabereye ku kabari ahahoze hitwa Kumbingo muri quartier Gaharawe hafi y'isoko uciye ku ipoto ya 58 intebe ziri kwa maraso utumeza aha imbabura hijya n'abantu bajorewe nibo twasanze muri ico kibanza mu nzu bari bahasutse amazi. Cette tuerie a eu lieu vers 21h de ce samedi dans un débit de boisson, ex-Kumbingo en train d'être retapé. Chaises en plastique sur lesquelles se remarque encore du sang par ici, des tables par là. À l'intérieur de la maison, l'on venait d'y déverser de l'eau pour enlever le sang. La désolation se lisait sur le visage de la foule que nous avons trouvée sur le lieu du crime. Celui-ci y étanchait sa soif. C'est par la bagarre entre un policier et une fille que l'affaire a mal tourné, dit-il. La fille qui était avec le policier a dit « Comme nous avons passé la journée ensemble en train de boire, nous restons ensemble. » D'autres gens lui ont dit d'arrêter la bagarre. Et puis, ce policier a été poussé. Il n'avait pas voulu entendre les conseils. Puis après, il est parti. Quand il est revenu, il n'a pas demandé. Il n'a même pas regardé ceux qui l'ont poussé. Il a dit que plus personne ne parle et il a commencé à tirer. Dans le cabaret, il était en tenue civile et il est allé à la brigade. Il a mis la tenue et un kalachnikov. Ainsi, il a tiré dans tous les sens. Cet autre est parmi ceux qui ont évacué les blessés. Il nous parle du bilan. Moi, je travaillais là. 4 personnes ont été blessées et ont été évacuées vers l'hôpital. Et 4 autres sont mortes. 3 sont mortes sur place. Et une autre est décédée, arrivée à l'hôpital de Kigobe. Ces citoyens demandent la protection et aux policiers de changer certains de leurs comportements. De son côté, le porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique, Pierre Ngurikiye, fait savoir que APC Nizigimana Léopold est déjà arrêté et sera jugé en procès de flagrance. Merci Mireille Kanyange. Vous saurez que le ministère de la Sécurité publique condamne cet acte qu'il qualifie d'ignoble. Le porte-parole de ce ministère indique qu'un dossier a été immédiatement ouvert et remis à la justice. 3 personnes sont déjà arrêtées, dont le policier, auteur du crime, selon Pierre Ngurikiye. Suivez. Vers 21h40, à Gatumba, dans un bar, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, il y a eu un cas de bavure policière qui a consisté en des tirs qui ont été effectués par un policier sur des cabaretiers. Et le résultat a été la mort de 4 personnes, dont son collègue, le collègue du policier nommé APC Magenge, Léopold Jean. Et il y a eu aussi 3 civils qui sont décédés sur place. Et il y a eu aussi 4 civils qui ont été blessés, qui ont été évacués vers les structures de soins. L'auteur de cet acte ignoble, le policier APC Nizigiman Léopold, a été immédiatement appréhendé et avec 2 autres complices, dont une fille. Un dossier a été immédiatement ouvert et il a été clôturé au niveau de la police et remis à la justice pour que, pendant un procès de flagrance, ces criminels répondent de leurs actes ignobles. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes voudrait condamner avec la dernière énergie son mauvais comportement du policier qui a failli à sa mission. Et profite également de l'occasion pour adresser les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et informe le public que l'enquête est déjà terminée au niveau de la police et que le dossier est transmis à la justice pour un jugement pendant la procédure de flagrance. Page politique. À présent, l'administration municipale a interdit les activités du Parti Congrès National pour la Liberté qui était prévu ce dimanche. Ce parti prévoyait lancer ses activités et ouvrir sa permanence nationale située dans le quartier Roero dans la commune Mukaza. Dans une correspondance adressée au représentant légal de cette formation politique, le maire de la ville de Bujumbura, Fredy Mbonima, évoque les raisons sécuritaires. De son côté, le président du Parti Congrès National pour la Liberté déplore cette situation. Agaton Gwassa trouve ces raisons non fondées. On l'écoute. C'est décevant parce que on a concentré beaucoup d'énergie pour les préparatifs. Et voilà, à la dernière minute, on torpille tout. C'est pas du tout gentil. N'en déplaise, pour nous, nous comptons que les activités sont déjà lancées. Parce que si l'aspect communicatif, l'interdiction est soi-même une communication, comme quoi les activités sont lancées. Donc, ça produit plutôt un effet pervers. Parce que ça n'empêche pas que nous puissions fonctionner. Nous pouvons nous organiser autrement et voir quel genre d'autres activités nous pouvons continuer à mener, parce que le lancement des activités à la permanence était beaucoup plus donné notre adresse physique. Et je crois que dans la lettre, c'est clair. Nous pensons que nous allons continuer avec notre programme parce que les activités qui sont à mener sont suffisamment nombreuses à travers tout le pays. Nous continuons nos activités malgré cette interdiction que je trouve un peu même non fondée. Parce que les raisons sécuritaires qu'on évoque, nous ne pouvons pas les percevoir, d'autant plus que le parti prenant à mener ses activités hier à Kamenge, s'il n'y avait pas de sécurité, on n'aurait pas autorisé que ce parti-là puisse faire ce qu'il pouvait faire hier. Par rapport peut-être à la situation géographique, notre permanence est censée être au boulevard de l'Iprona. C'est sur le boulevard de l'Iprona que se trouvent les bureaux de la présidente de la République et de la vice-présidence. Si ça serait le cas, comment dire qu'un bâtiment situé à plusieurs centaines de mètres par rapport à ces bureaux-là puisse constituer une menace sécuritaire lorsqu'il y a des immeubles qui font face à ces bureaux-là et qui sont fonctionnaires 24 heures sur 24 heures. Il y a même des bistrots sur le même boulevard. Il y a l'avenue Muyinga qui relie le quartier Nyakabiga au centre-ville qui est fréquenté 24 heures sur 24 heures. Alors cette menace qui survient comme ça, c'est laquelle? Mais personnellement, cette menace de sécurité, personnellement, je ne la vois pas. Le président du Congrès national pour la liberté considère que cette mesure est du protectionnisme politique. Agaton Gwassa appelle ses militants à la tolérance politique car pour lui, la démocratie suppose la pluralité d'opinions. Encore une fois, Agaton Gwassa. Moi, je pense que c'est beaucoup plus des raisons de protectionnisme politique et rien d'autre. Puisque nul n'ignore que dans ce pays, la tendance à un monopartisme de fait s'affiche depuis une bonne période. Maintenant que l'on approche des élections, plutôt que d'ouvrir l'espace politique, voilà qu'on la ferme davantage. Mais pour quel intérêt? Après tout, la démocratie suppose une compétition et une compétition implique des préparatifs. Les préparatifs pour les partis politiques, c'est notamment le fonctionnement des bureaux des partis, ce sont les meetings qui sont organisés ici et là. Évoquer des raisons qui ne sont pas du tout explicites, qui ne sont pas expliquées, je trouve que c'est un mauvais précédent. Dans un état de droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi. On a des droits comme on a des devoirs. Il n'y a pas de super citoyens dans ce pays, mais nous devons lutter pacifiquement. Nous devons éviter toutes sortes de violences. Ce qu'il faut, c'est la patience. Nous pensons que ceux qui sont pour le changement sont nombreux dans ce pays et que quand l'heure du changement arrivera, personne n'empêchera que ça puisse advenir. Et ce qu'il nous faut, c'est apprendre à être tolérant envers l'autre, c'est être capable d'accepter l'autre. Et là, c'est pour nos militants et sympathisants, c'est tout autant que pour ceux qui sont aux affaires. Contacté à ce sujet, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page société à présent, trois nouveaux-nés ont été trouvés abandonnés dans les arbrisseaux au cours de cette semaine dans la province Karoussi. Aucune personne n'a été appréhendée pour ces faits. Cette situation inquiète les responsables de l'administration et de la société civile qui confirment la nécessité d'engager des enquêtes pour pouvoir traduire devant la justice les responsables de cet acte qualifié ignoble. Blaise Pascal Kararoumier. Les trois nouveaux-nés ont été retrouvés dans des arbrisseaux au cours de cette semaine. Deux dans la commune Bouhiga est retrouvé vivant et un troisième a été retrouvé dans la commune Guiho-Gazi, déjà mort. Le dernier a été retrouvé ce vendredi à Mouheza et les deux autres mercredi et dimanche passé. Les sources de la police indiquent que les mères de ces bébés n'ont pas encore été identifiées et dit poursuivre les enquêtes. Une responsable du Centre pour la paix et le développement de Karoussi de la société civile, dit être inquiète de cette persistance, de cette situation, et parle de la complicité de l'administration à la base, refusant la dénonciation des coupables, explique Sylvane Nizigama. Elle demande des enquêtes approfondies et la punition des coupables dans le respect de la loi. Ainsi, ce samedi, le gouverneur de la province Karoussi, accompagné de l'administrateur communal de Bouhiga et le procureur de la République à Karoussi, ainsi que la responsable du Centre de développement familial et communautaire de la commune Bouhiga, était au bureau de la zone Bouhiga où ils ont exprimé que des enquêtes doivent être dirigeantes et pouvoir traduire devant la justice toutes les personnes impliquées. Aux parents, ils leur demandent de suivre d'autres leurs enfants. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Sanganil. Merci Blaise Pascal. Kararoumi, page sportive à présent, adopte le rapport financier des fonds qui ont été octroyés par la FIFA et l'un des points qui était à l'ordre du jour lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération burundaise de football FFB. Jérémy Manrakiza, secrétaire général de cette fédération, fait savoir que les clubs qui seront impliqués dans les affaires de sorcellerie seront punis. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Nguendakoumana. Chaque année, on se réunit en Assemblée générale, c'est statutaire. C'était d'abord pour adopter le rapport financier des fonds qui ont été donnés par la FIFA, la CAF ou les sponsors locaux, je nomme Braoudi, Vietel Burundi ou Fenakobu. Donc c'était une occasion que la commission de finances fasse un rapport à l'Assemblée générale pour valider ce rapport. Après quoi, la FIFA désigne des auditeurs étrangers pour venir. Alors, c'est bien que les auditeurs viennent quand on a tout en ordre. C'est-à-dire, maintenant, on va préparer la visite des auditeurs de la FIFA parce qu'il faut ce préalable, il faut d'abord que ça soit passé par l'Assemblée générale. Parmi les questions soulevées, il y a l'utilisation de la sorcellerie dans le football burundais. Qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier ce comportement qui salit l'image du football burundais? Vous savez, comme vous le dites, la sorcellerie, ce n'est pas aussi facile de lutter contre la sorcellerie parce que, d'abord, ce n'est pas permis. Celui qui le fait, c'est plus psychologique. Ça ne donne pas de résultats. Au niveau de nos règlements, ce n'est pas permis. Puis, c'est une question de conscientisation. Il faut expliquer, que ce soit les dirigeants de la fédération, que ce soit même les médias pour conscientiser le club. Parce qu'on se rend compte que les clubs qui sont bien organisés, ce sont ces clubs-là qui ont des résultats. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Comme vous venez de l'entendre, la chronique nutrition d'aujourd'hui, on va vous parler sur l'huile de table qui fait partie du groupe d'aliments riches en énergie. Cela est dit par le nutritionniste qui indique que ce groupe d'aliments contient des graisses. Athanase Nyanogeye explique qu'il existe quatre sortes d'huile de table, dont l'huile de palme et l'huile de coton contenant chacune sa propre quantité et qualité de graisse. La chronique d'aujourd'hui avec Ornella Mucho. Toutes sortes d'huiles contiennent des graisses, mais certaines d'entre elles contiennent des graisses insaturées et des graisses saturées. Selon le nutritionniste Athanase Nianogeye, explique que cette dernière contient le mauvais cholestérol. L'huile de palme contient des graisses saturées, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Et l'huile qui contient des éléments dont des graisses insaturées moyens, comme par exemple l'huile d'arachide, de coton, mais surtout l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Alors, cela contient des graisses insaturées, c'est-à-dire le bon cholestérol qui est bien assimilé par l'organisme. Selon toujours ce nutritionniste, apporter de l'énergie nécessaire au corps est l'un des bienfaits de l'huile. Et l'huile fait partie du groupe des aliments énergétiques, aux côtés de deux autres groupes, le groupe des aliments constructeurs et le groupe des aliments protecteurs. Alors, l'énergie, on en a besoin pour les mouvements, pour marcher, pour le travail. Les enfants peuvent consommer entre 20 à 25 grammes d'huile par jour, contrairement aux personnes âgées de plus de 35 ans qui sont appelées à consommer deux ou trois fois par semaine la même quantité. L'expert Athanase Nianogeye nous l'explique. Et chez les enfants, c'est indispensable parce que l'huile procure de la vitamine E, c'est l'entretien des cellules. Vous savez, l'organisme humain est composé de cellules qu'il faut entretenir. Alors, un enfant a besoin, vous voyez, au niveau de sa croissance, c'est maximal jusqu'à l'adolescence, autour de 20-22 ans, il a besoin de développer aussi le cerveau. C'est, disons, un des meilleurs constituants du cerveau. Mais il ne faut pas abuser. Alors, heureusement, la plupart des enfants font des mouvements. Mais plus on grandit, plus on devient adulte, 35-40 ans, plus il faut diminuer progressivement jusqu'à consommer l'huile qui ont le bon cholestérol. Comment utiliser et préparer l'huile de table? Ce sera dans la prochaine chronique nutrition. Merci Ornella Mucho. Ainsi s'achève cette édition à 18h18 dans les studios de la radio Isanganiro. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Et je dis merci à Emmet Oussemi Tewouti pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir.